Je rappelle, il y a quelques règles là-dedans. Il y a des règles autour du... La première règle, c'est sûr, c'est prendre des notes pour les gens qui ne sont pas là. Donc, c'est pas la responsabilité de la personne qui reste. La personne qui reste résume un peu ce qui s'est passé avant pour répondre aux questions de qu'est-ce qui s'est dit. C'est juste d'avoir quelqu'un qui fait un an. C'est pas seulement cette personne qui prend des notes. Elle peut prendre des notes, c'est le vœu. C'est son choix. Une idée, c'est de prendre des notes. Il y a du papier différent. Il y en a beaucoup ici à l'avant. Si vous en manquez, il y a de la place. L'idée de prendre des notes, c'est de pouvoir donner un cadeau aux gens qui vont continuer de travailler après cette période-là sur les lieux intermédiaires. On va leur donner des idées, on va leur donner du contenu, du carburant pour qu'ils puissent avancer dans leur projet. Donc, c'est un peu le travail qu'on va faire ensemble. Il y a des règles. Je vais donner deux, trois petites règles faciles. Là. La première règle, c'est les oreilles avant la bouche. Écoutez avant de parler. Écoutez ce que les gens disent. Les oreilles avant la bouche. Il y a une autre règle aussi. C'est si ça ne vous intéresse pas, vous avez les règles des deux pieds, allez faire ce que vous voulez, le plus intéressant ailleurs. Si vous n'apprenez pas, c'est que vous n'êtes pas à la bonne place. Donc, trouvez la place où vous pouvez apprendre quelque chose ou contribuer. En fait. Bon, on reste dans ces principes-là du Common Scrum. On vous propose l'activité, vous n'êtes pas obligé, pieds poings liés, d'y participer, mais on vous suggère de participer parce que vous allez avoir l'occasion de rencontrer plein de monde, plein de bonnes choses. Est-ce que c'est clair dans les autres langues? Claro? OK? Donc, je demande au premier intervenant de venir faire une petite présentation sur et présenter sa question, quelque sorte. Je vais faire une courte présentation pour présenter sa question. Alors, Joël? Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Plus lentement, que Joël, tu vas... C'est sa grosse critique. Oui, rebonjour à tous et à tous. Donc, on a fait le choix d'une question extrêmement simple et d'une certaine manière extrêmement large qui va permettre à la fois aux lieux intermédiaires ou ceux qui se qualifient comme tels de se poser réellement la question ou d'y apporter des éléments de réponse et aux personnes qui ne sont pas spécialement agitatrices du lieu intermédiaire de nourrir cette réflexion et des réponses à cette question. Donc la question est, comment un lieu intermédiaire faire commun ou fait commun. Donc, vous avez une période de 20 minutes. Oui? La question. Il ne va pas aller dans la salle avec la question. Donc, on prévoit une période de 20 minutes de discussion. Prenez des notes. Et à la fin de cette période de 20 minutes, je reviens avec le deuxième étape. Oui. Parce que les mots, les connaissaient tout. C'était précis. J'ai essayé d'entendre en espagnol, mais j'ai pas. Trop vite. Je suis désolé, c'est vrai que le discours du coup est un peu construit. Du coup, je l'énonce vite. Ils n'ont pas même essayé de traduire. Ils n'ont même pas essayé de traduire. C'était impossible. Non, mais je me suis pas rendu compte d'une chambre. Mais je peux. C'est ce que j'allais dire. J'ai un ordi, je l'écris sur l'ordi. La présentation était juste décalée. Mais ça fonctionne dans le cœur. Thank you. grado, pero esto lo digo para que sí, un grado de más autonomía o menos autonomía en relación a la parte pública. Más autonomía es un estado autogestionado, si un espacio intermediario sería un espacio que es un ambiente público, las comunidades que gestionan aquellas que actúan en el contexto. I have been able to log in to write it down. I think we should put it like by the front door. I also sent it to the Telegram group. That's probably a good idea. If somebody with a mobile logs in, yeah, exactly. We can help each other. Yeah, I love it. I love it. That's a great idea. Thank you for that. I appreciate the support. Let's see what happens. Well, you already, now that we have it written once, it'll definitely solve a lot of people's questions. Take pictures of this. Yes, I hope so. Oh my God, what a mess. What a mess. Thank you. Ça paraît vraiment. C'est ça exactement, tu sais, le monde qui arrive ici et qui ont tout à prendre soin, c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Ça fait plaisir. Ça va être très dérisable. Voyez, bon, j'ai beaucoup aimé Joël. Et bref. Mais c'est ça, c'est un grand chute de la langue. s'inscrit dans une histoire. Public à Montréal, quand même, selon la nature de chantier. Puis, cet office-là, on ne peut pas démarrer, mais de faire plein de mode. C'est des enjeux qui ne sont pas nécessairement physiques au développement, mais qui sont quand même des structurels. La nouvelle mobilité, pour moi, ils ont été interpellés en disant quelle place ça va être, ils sont aussi interpellés. C'est quand même Et c'est surtout aussi la préoccupation de l'espace public. Ce qui a fait que depuis que le Rhin s'est ouvert sur l'autre, il y a une inscription dans les statuts, une charte de citoyen, une charte aussi, une exige que oui, vous avez la. Donc il y a eu. Subsistent des enjeux, des luttes, mais ça fait une chose comme un peu différente. Il faut vraiment que la situation soit très dégradée. Parce qu'il y a plus de mécanismes, il y a des quartiers, il y a tout le relais qui fait en sorte que la concertation puisse faire l'acceptabilité sociale, parce que, comme disent les gens derrière, les multiples, disons, la participation civile dans les projets. Il y a un super gros chantier intermédiaire, c'est vraiment important. Chaque étape. Puis, globalement, puis à chacun des différents parcs ici, dans les parcs, les vraiment faire attention à chaque fois de faire vos activités. En amont, même du dessin, c'est assez remarquable. Parce que c'est un fait. Qu'en pensez-vous? Mais en même temps, c'est aussi la nouvelle génération de l'artiste. Qui ont été formés beaucoup à l'école hollandaise, la ville pour tous, la ville 8-80 qui appelle. C'est capable de vivre pour un enfant de 20 ans, quelqu'un de 80. Tous ces concepts-là, on les entend à Montréal, chez les jeunes journalistes, on entend aujourd'hui. Comme j'ai demandé la publication pour la participation citoyenne, il y avait avec un autre regard que la génération d'avant, qui s'était dévalisée. Continuez de butiner, c'est une bonne chose. Sea considerado un combo, no estatal, sino público o comunitario. Est-ce que je fais bouger les gens avec la question? C'est bien. Deuxième ronde, s'il vous plaît. C'est dommage d'arrêter les conversations, vous avez la chance d'en. Je répète les règles la manière de définir qui est différent de qui c'est. Personnel. S'il vous plaît, on va passer à la deuxième ronde et au deuxième intervenant. Donc, avant de passer au deuxième intervenant, on va appliquer les règles du World Cafe. Identifiez la personne qui va rester dans le cercle dans lequel vous êtes. Une personne qui va rester dans le cercle où vous êtes. Je comprends qu'il y a des groupes linguistiques qui vont rester ensemble, c'est pas de problème. Il y a une personne qui reste dans le cercle. Les autres, vous vous levez et vous changez de place. S'il vous plaît, tout de suite. Bravo, il y en a qui vous donnent l'exemple. Continuez. Il y a une personne qui reste sur place. Les autres se lèvent, changez de place. Jusqu'à descendre les doigts. Allez, on sait que c'est intéressant. Les ouvrages vont être intéressants. Merci. On a un week-end au complet. C'est incroyable. Quelle tristesse. C'est pire. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez vous asseoir? Non, personne qui reste dans le groupe, c'est ça. Donc, le deuxième intervenant, s'il vous plaît. Nous avons un deuxième intervenant qui va faire une courte présentation et vous poser une deuxième question. Le deuxième intervenant ici, voici Pierre Alain. Pierre Alain va faire une courte présentation, peut-être très courte et très longue, pas trop longue. Et vous posez une deuxième question. Alors, la deuxième question, si vous manquez de papier, de crayon, il y a tout ce qui parle avant. N'oubliez pas de prendre des notes. Et voilà. Pierre Alain. Et bonjour. Alors, cette deuxième question, elle est nourrie d'une expérience, et notamment, je suis de Marseille, donc. Voilà. Non, Christophe. Donc moi, je suis marseillais et je suis nourri d'une expérience depuis assez longtemps d'un contexte en fait qui est très particulier à Marseille. Moi, je dis souvent que c'est un archipel, c'est une très grande ville sur le plan géographique et aussi avec beaucoup d'initiatives et la difficulté. Pour un certain nombre d'entre nous, qui notamment se reconnaissons dans cette communauté, de travailler à la relation, en fait, et de construire du commun, c'est comment on dépasse un peu un certain nombre de freins, de territoire, de représentation. Et cette question-là, notamment, c'est un peu l'une des questions que j'ai envie de vous poser par rapport à ces lieux intermédiaires qui aussi se questionnent, et notamment, on vient de le faire, nous, pendant 20 minutes, autour de est-ce que c'est un lieu, qu'est-ce que l'intermédiaire. Donc la première posture, en fait, c'est déjà dans cette posture de question, mais moi j'ai plutôt aussi envie que ces questions, elles nourrissent aussi de l'action, quoi. Voilà. Elles puissent aussi se dire qu'on ne va pas forcément, chaque fois qu'on se voit, refaire en fait le monde, redire des choses que sans doute on se dit plein de fois, et quelles seraient aujourd'hui, là, maintenant, et c'est une question que nous on essaie de poser à Marseille, et on a avancé, il faut reconnaître que depuis quelques mois même, avec, ça a été sans doute évoqué ce matin, la question particulière du droit à la ville et du droit au logement, ça a cristallisé quand même, et l'émotion a cristallisé aussi la nécessité de faire lien, de dépasser un peu tous ces freins-là. Et donc c'est tout un processus qui prend énormément de temps, qui prend énormément, qui a besoin d'espace et de temps pour le faire, d'attention. Et moi j'ai envie de vous poser comme question cette communauté des lieux intermédiaires, avec aussi celles et ceux qui sont ici pour nourrir votre communauté, notamment ceux qui travaillent sur la question des communs, c'est quels sont un peu les piliers qui permettent en fait de structurer ces relations dans votre réseau, dans votre communauté. Voilà, quels seraient, on va dire, les points forts que vous retiendrez malgré vos différences, malgré la manière dont peut-être vous appréhendez différemment ce qu'est un lieu intermédiaire. Qu'est-ce qui fait pour le coup commun comme pilier pour que demain ce réseau-là se structure un peu plus, quoi, voilà, et que cette journée soit utile, on va dire, comme une étape, voilà. Vous n'avez pas compris la question. Il a ici. Putain, là, là. C'est un peu ma particularité. Hein. C'est que j'ai une même dans ma tête et je perds très vite les gens. Donc, ça peut être pilier, force, bâtir notre réseau. Si je l'ai dit ça, non? Ah, je l'ai dit, non. Donc, je vais peut-être répéter différemment en français parce que je maîtrise uniquement cette langue. Donc, sur quel pilier, force, bâtir notre réseau? Et je te propose de le traduire en anglais parce que je ne suis pas très. Doing a lot of things. I'll read it upside down. On what pillars or forces do we build our networks? We're talking still about these intermediary spaces, the third spaces thing, right? So on what pillars and forces do we build our networks? Yeah, look at me doing a thousand things. Vous avez 20 minutes et n'oubliez pas, prenez des notes, c'est le cadeau qu'on offre. Un petit mot aussi à Alain. Une petite annonce pour dire qu'au milieu de la salle, il y a Charlotte, si tu peux lever la main, qui peut faire de la traduction vers l'espagnol et vers l'anglais. Voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés pour rejoindre ce groupe. 20 minutes à partir. Thank you. l'espace que je veux. L'espace que je veux. Ouais, c'est ça, j'y ai pensé tard. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont partagés? Thank you. Nous sommes rendus à la troisième ronde, une troisième intervenante. Deux minutes? Non. Emmanuel? Je vais déplacer les gens. Hein. Séparer les groupes avant. C'est comme tout à l'heure, avant que l'intervenant parle. La personne qui est l'hôte ou l'hôtesse du cercle reste sur place. On se lève, on change de groupe. Je veux que... Oui. Non, mais pour la prochaine. Ouais. Non, la prochaine, ça va. Parce que c'est... On est sur une tension. Tout le monde n'a pas parlé. tester les graphiques. Mais est-ce que c'est possible ça, peut-être de faire 5 et stop. En deux. C'est ça, du coup ça... Je l'aurais fait, je l'aurais fait. Comme il y a pas de c'est pas faux. Les gens changent de plan. Vous changez de serre. Avant la question. Avant la question. C'est pas facile de maintenir la question quand t'as dans la tête tout ce que t'as entendu avant. Hein, tu retombes dans un défi supplémentaire. C'est dégueulasse. T'as vu comment ça est arrivé? C'est pas la question. C'est la même chose pour toi. Que comment? Oui, c'est ce que je vais faire. Je suis pas je te connais. Alors s'il vous plaît, on va permettre à Emmanuel de présenter sa question. Il y en a là. Je cherche Dorine. Salut, vous êtes assis. Je préviens, je ne répéterai pas deux fois la question. C'est hors de question. Donc vous écoutez, tant pis pour vous. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut être un peu... On n'est pas dans l'intermédiaire. Hein. Donc, troisième question qui est qu'on souhaitait vous soumettre. Il existe des lieux intermédiaires et indépendants. Ils sont pensés comme des lieux ouverts et participatifs et collaboratifs. Mais est-ce qu'ils le sont tout le temps? J'en sais rien. Et en tout cas, la question qu'on voulait vous soumettre et partager, c'est qu'est-ce qui ferait que vous vous empareriez d'un lieu intermédiaire? Que vous vous empareriez d'un lieu intermédiaire, quelle que soit la place à laquelle vous y seriez. S'emparer de quelque chose. Ah oui, d'accord. Alors, s'emparer de quelque chose, c'est le prendre aussi pour soi et y participer. S'approprier. Quoi? Vous avez 20 minutes. Merci. Et par contre, je veux bien aller dans la... Celle-là, je suis pas sûre. Hein. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un a un Doliprane ?